Musique horrible. César. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir et adieu. Un petit message mignon aux humains et aux auditeurs de Radio Balise. Bonsoir, chieurs de gourgandine attachés à vos smartphones par du pus supureux en pleine coagulation. Bonsoir, langue grappeuse de lécheurs de cons qui, au lieu de vivre, organisez. Bonsoir, face de fémur trapézoïdaux juste bon à être tabassé au selfie stick et à laisser saigner sous la pleine lune. Bonsoir, bande de mèmes en devenir, à placer dans des toilettes de chantier et à balancer du haut d'un hélicoptère en feu, tandis que toute beauté devient, pour vous, toujours, un cliché. Et adieu à ceux qui, sans alarme, vont se réveiller. Moi, César, je ne vous like pas. Je vous outrebaise. X, apostrophe, parenthèse. Gros bisous. Tant mieux, car la pause est terminée. Il n'y aura pas d'autres chansons joyeuses aujourd'hui. Et tout ce qui reste suite au boulet de canon de Aquarius Sabotage, c'est un trou dans le cœur. Et c'est à partir de ce trou que nous allons voyager aujourd'hui. Bienvenue, encore une fois, sur Musique horrible. après une longue exploration. Nous sommes arrivés, là où j'ai toujours promis de vous guider, chers auditeurs. Enfin, nous sommes dans la fange de la Terre. Notre Terre. Nous sommes sur une page YouTube. L'espace tout autour est blanc et me fatigue les pupilles. Tandis que les petites teintes rouges du logo de ce site internet empoisonnent l'ivoire de mes yeux. Devant mes oreilles et les vôtres se tient A Hole in the Heart de Ramley, paru en 1987. Ici uploadé en 2013. C'est la musique que nous venons d'écouter. 16671 vues. 3 commentaires. Campons ici. Parmi ces 3 commentaires, un seul est véritablement aimé. Posté il y a 2 ans par Lolita and the God of Mo. Mangez-moi, nourrissez-moi. Tous ces mensonges et ces illusions que l'on se donne dans notre quête pour tenir contre la vie. Elles ne guériront jamais les blessures et les trous que l'on porte au fond de nos cœurs. 8 mentions j'aime. 2 réponses à ce commentaire. La première réponse est de Chud, posté il y a 1 an. Il dit « Fud, une mention j'aime. » La seconde réponse est de D majuscule espace C majuscule LS. Connard. Posté il y a 1 an. Il dit que ce que dit Lolita est faux, et que l'on peut se soigner. Une seule mention j'aime aussi. Nouveau commentaire, posté par moi, César, il y a 1 seconde. Je t'ai mangé. Je t'ai nourri. Des blessures et des trous, ça veut juste dire plus de plaisir pour toi et pour moi. 0 j'aime. Pour l'instant. Je vais le liker avec des faux comptes pour avoir une longueur d'avance. Et je vais mettre un pouce négatif à D majuscule espace C majuscule LS. Parce que c'est un con. Voilà une démocratie, comme je les aime. Toute la splendeur de la section des commentaires de YouTube, à perte de vue. Le lieu le plus vide de tout l'internet. Là où des millions de voix commentent, parlent, et multiplient et démultiplient les signes. Pour à la fin ne jamais produire de sens. Donc tendez l'oreille, et si vous l'attendez suffisamment, l'on raconte qu'au loin, dans ces plaines abandonnées de YouTube que nous parcourons actuellement dans la tempête du rien du tout, vous pourrez voir une petite vidéo en 144p au loin. Et cette vidéo, cette promenade électromagnétique, c'est l'histoire de Christina, qui un jour, du haut de son petit lecteur MP3 merdique, se mit à entendre les ondes des téléphones portables, des machines, des poteaux électriques et des voitures qui passaient radio-balise et d'autres radios encore meilleures. Ce que fit Christina était encore plus terrifiant, car après ce choc, Christina décida de créer une exposition d'art contemporain. Moi, César, par souci de non-intérêt général, je vous propose d'écouter ces ondes qui vont vous pourrir le cerveau comme elles l'ont fait à Christina. Et je vous rassure, ce n'est pas pire que le son de l'intérieur d'un micro-ondes. Et ça aussi un jour, quand vous serez prêt, je vous le ferai écouter. Tendez l'oreille. Tenons-nous là, une seconde. Écoutons. La meilleure façon de payer un costard, c'est de travailler. Voilà, c'est de travailler. Mais je rêve de travailler. Là, monsieur, là, j'en ai du travail. Mais bon, ça va, Jumbo? Tu veux de la banane? Et c'est la fin de la vidéo. Non. Je crois que je fais un caca. It's energy, and the RE27. So I'd like to split my answers up into three different phase ports, one on either side. The RE20s are external tubes, and the RE27NDs are integrated into the capsule structure. The RE20 uses a standard Gauss magnet to create its energy, and the RE27ND uses a neodymium magnet, which will have a brighter and higher output. The RE20 sensitivity is 1.5 millivolts per Pascal, and the RE27NDs is 2.5 millivolts. Both mics have humbucking coils to eliminate EMI. The RE20s is a bottom of wire directly below the coil element, and the RE27NDs is an exposed coil. J'ai été musulman deux ans par amour pour, et aussi amitié, comme avec Barbara, pour Oum Kalsoum. Parce qu'elle chantait, elle était en transe en même temps, mais sans drogue, comme tous ces abrutis de nazis qu'on voit maintenant, simplement avec la beauté du texte et de ce que ça disait. Je suis heureux que vous soyez là. C'est dans ce vide qu'est YouTube que je souhaitais vous retrouver ce soir, horribles auditeurs. Car musique horrible est un rituel. Et malheureusement, celui-ci ne pouvait avoir lieu dans son temple habituel. Car l'antenne de Radio Balise a été frappée par la foudre. Sans doute ont-ils été punis par le fait que j'étais intégralement à poil lors de la dernière émission. Soit dit en passant, de mon côté, ça en valait la peine, bien entendu. Le plus drôle étant que ces gentils idéalistes de Radio Balise, bons à se faire Notre-Dame-des-Landisés, ne se sont toujours pas aperçus de mon exhibitionnisme. Avec un peu de chance, le conseil départemental qui les subventionne s'en rendra sans doute compte avant eux. Amis du conseil départemental, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de me montrer dans ma vérité la plus nue. Mais je m'égare. Puisque nous sommes contraints d'être réunis sur Internet, dans ce vide auquel je commence à prendre goût, je l'avoue, profitons-en pour conter une histoire de la musique. Tout à l'heure, je vous ai fait écouter le vieux chef-d'œuvre des musiques industrielles, A Hole in the Heart, celui qui a lancé cette tempête de YouTube. Vous ne vous en doutez peut-être pas, mais cet album culte est le symbole d'une période de transition pour les musiques industrielles, à la fin des années 80. Il était une fois. L'industriel, ou l'indus, incarnait tout un mouvement parfaitement homo-érotique et fièrement sectaire, où l'homme est montré comme étant devenu un monstre. Pas un monstre au sens de Monsieur Patate, je précise. Un monstre, au sens d'un individu ayant perdu toute empathie et tout cœur. Ce, à cause de la violence déshumanisante de l'architecture même de sa société. Cette monstruosité plante l'homme, la ville et la machine dans le même ciment. Et la seule émotion qui lui reste pour exister, ensevelie comme il est sous la forêt du ciment, et la haine et le désespoir les plus violents. Deux émotions que la musique industrielle de la première génération s'est toujours donnée pour mission de faire retentir en les exudant et en les dénonçant simultanément. Ce tant dans la manière de composer que dans la manière de se diffuser avec en tête les dessins ignobles de White House distribués à leurs concerts, et où l'on pouvait voir sur les petits dessins des égorgements, des abus et des viols. Ce n'était pas marrant. Puis, les temps ont changé. À la fin des années 80, cette philosophie a commencé à se transformer. Ce que représente A Hole in the Heart, justement, c'est cet instant crucial où la musique industrielle a commencé à s'écouter elle-même, à regarder en elle-même, et à s'introvertir. Malgré son nihilisme mécanique, cela restait un genre musical créé par des humains. Et des nouvelles émotions étrangères au mouvement d'origine ont commencé à se manifester, et avec celles-ci, de nouvelles manières de faire de la musique industrielle. Tout de suite, quand on écoute A Hole in the Heart, chanson qui n'est plus qu'un souvenir pour vous, tant cela fait longtemps qu'elle a lancé cette tempête froide de YouTube. Eh bien, ce que Hole in the Heart exude, ce n'est plus la haine ou la masse infinie d'une mécanique déshumanisante, mais plutôt des émotions humaines, fragiles, en train de nous appeler. Une chose impensable pour un genre caractérisé auparavant par la disparition de l'homme. Enfin, l'homme apparaissait et il nous appelle de loin. C'est de l'espoir, ça. Au même moment, des groupes comme Coil, Ministry, Daft, Liba, Skinny Puppy, Current 93 ou encore Godflesh, pour ne citer que les plus connus, ont commencé à se multiplier. Tous caractérisés comme appartenant à l'éthique industrielle. Ce alors que leurs approches sont radicalement différentes entre eux et vis-à-vis de cette fameuse première génération. Pour beaucoup, c'était la mort de cette musique, car elle s'était banalisée. Elle était même parfois accessible. Ce qui s'est passé en réalité, c'est que cet idéal de base de la musique industrielle, dont je vous ai parlé au début de cette histoire, eh bien c'était justement ça, un idéal, un point à viser. Et avec l'évolution du genre et de la société tout entière, cet idéal a vu se multiplier les interprétations et les zones grises autour d'une approche musicale qui commence à devenir moins une transgression absolue qu'un style avec ses propres codes. Un peu comme le punk, l'indus est toujours un idéal, une éthique, une approche, une politique vis-à-vis de l'art et du monde dans lequel on vit. Une politique très noire, par contre, cela est certain. Toutefois, là où le punk est l'histoire de l'homme qui reprend le contrôle de ses moyens d'expression, l'industriel est, au contraire, l'histoire de la mise en creux, de la disparition de l'homme par tout ce qu'il a créé. Et ce nihilisme, teinté des émotions les plus contre-productives de tous les temps, ce justement à cause de ce que l'homme a produit contre lui-même, je vous le rappelle, font qu'encore aujourd'hui, la musique industrielle est une force. Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est parce que je voulais qu'on écoute un peu ce fameux aujourd'hui. Si la musique industrielle n'a cessé d'évoluer depuis A Hole in the Heart, et bien sûr d'autres sorties avant lui, c'est aussi parce qu'il s'agit d'un genre qui interroge de manière terrifiante et violente la manière dont notre société nous transforme. Aujourd'hui, ce qui nous produit et ce qui nous transforme, ce sont YouTube, les réseaux sociaux, Internet, le numérique, etc. Nous sommes les outils de ces technologies. Ne l'oubliez pas. Ainsi, moi, César, après avoir tant parlé, j'aimerais vous proposer une suite de trois chansons qui, selon moi, relèvent des musiques industrielles d'aujourd'hui. Ce petit triptyque sera composé de Exorcist, de Gazelle Twin, suivi de Musli Tropicani, de Julek Ploski. Et enfin, nous terminerons sur les errances urbaines de Yehudi Lights Over Tottenham par Lee Gamble. J'aimerais beaucoup que vous me disiez ce que vous y voyez. Vous pouvez pour cela soit venir chez moi et essayer de me tuer, ce que je déconseille, ou sinon, me contacter à musique.horrible@gmail.com. Maintenant, assez parlé, écoutons ce qu'est l'indus à l'ère de la section des commentaires de YouTube. Voyons ce qui nous transforme aujourd'hui. Thank you.

Nous venons de faire un long voyage. Et je dois vous avouer quelque chose. Je crois que moi, César, dans cette tempête, je n'arrive plus à trouver mon chemin. Je vais sans doute devoir vous abandonner ici, et abandonner un de mes corps ici. Je pense que vous trouverez la sortie. Mais actuellement, je suis dans une fiction dont je n'arrive pas à voir de mur, que des ondes. Et ceci est peut-être ma fin. Et dire que j'avais encore tant de choses à voir dans YouTube. Comme par exemple, j'attendais le jour où enfin, tous les hommes politiques deviendraient un même. Un même gigantesque aux 2 mètres, qui tire dans toutes les directions qu'ils le peuvent, des opinions contraires et diverses et variées, afin qu'à la fin aucune opinion n'ait vraiment de sens ou d'importance. À la fin, le géant de 10 mètres arrive à faire passer toutes ses lois, quelles qu'elles soient, car tous les mots qui sont attachés aux paroles de ses lois ne veulent plus rien dire. Il n'y a plus de concept, il n'y a plus de mots. Il n'y a qu'une loi qui passe dans notre dos. Et à ce moment-là, le géant de 10 mètres commence à dessiner des visages familiers. Jacques Cheminade se cache entre les couilles du mammouth Depardieu devenu empereur de Russie. Emmanuel Macron a fusionné avec Jean Lassalle et a créé une contradiction prête à exploser à tout moment, tandis que Madame Le Pen est devenue une naine, moins qu'un orteil entre les doigts du géant de 10 mètres. Si vous pensez que je divague, eh bien c'est le cas, car nous sommes tout au fond d'un bad trip virtuel. Et les musiques qui m'ont transformé ont fait de moi un être qui n'a tout simplement plus de mots qui veulent dire quoi que ce soit. Si je puis vous quitter sur une dernière parole, c'est que les gens arrivent dans le grand espace de YouTube avec l'espoir de trouver des maisons pour leur cœur. Une fois qu'ils arrivent dans ces maisons, hein, tout ce qu'ils veulent au fond, c'est lutter contre la tristesse et la solitude. Et à de très rares occasions, je pense que YouTube leur permet d'échapper à ça. Car ils ont créé quelque chose ou regardent quelque chose qui est créé. Et même si l'expansion de ces visages ne veulent plus rien dire au bout d'un moment, ils ont encore un cœur. Donc, musique horrible, ce n'est pas que des écharpements. Et si l'émission d'aujourd'hui était, comme qu'on dirait, triste, j'aimerais que l'on termine sur une note qui soit encore plus triste. Mais pas le même type de tristesse solitaire que nous avons eu ces dernières minutes. Ces dernières heures même. Mais justement une tristesse qui fédère. Qui sort de cette tempête dans laquelle moi je resterai. Et juste à la fin, il y aura vous tous réunis dans une salle de concert. Tout le monde ressemble à un humain. Et les peintres sont uniquement à 3€. Au centre, il y a un musicien. Il vous fend le cœur. Sa musique est horrible. Mais vous êtes tous là à l'écouter. Cette vision, que vous allez entendre mais que moi je ne verrai pas, s'appelle Solar System. Moi, César, je vous dis Ave César. Je reste ici. Je meurs et je me désintègre. Et je vous souhaite une bonne nuit. Et à la prochaine, car je suis indestructible. Bonne nuit. Bande de trolls adorables. Thank you. Thank you. so good. Thank you very much for doing that, everybody. I think pretty much now I just have songs that only I know. Did somebody just say my name? Yes? No. Okay.